في الفندق. أريد غرفة كبيرة ذات سرير مزدوج مع حمام ومياه ساخنة. Je désire une grande chambre avec un lit double, une salle de bain et de l'eau chaude. توجد واحدة في الطابق الأخير. Il y en a une autre au dernier étage. هل هي مريحة؟ Est-elle confortable? نعم، وواسعة جدا. Oui, et très large. أين المصعد؟ Où est l'ascenseur? على اليسار. لكن ادفع لي أولا دفعة أولى، سجل أيضا اسمك. À gauche. Mais d'abord, veuillez verser un premier paiement. Inscrivez aussi votre nom.